Salut les amis. Salut Charline. Oh, il y a Alex qui bosse, oh, dis donc. Tu devineras jamais ce qu'il fait. Ah bah pour deviner qui bosse, faut de l'imagination. Oh, oh, bah, il prépare son programme. Oui. Pour les vacances. Silence. Non, non, pour la présidentielle. Voilà. Quoi? Oui, j'ai décidé de me présenter à la primaire citoyenne, mais, madame. Mais comment ça? Je suis le candidat annule tout. Ah, depuis quand? J'ai mon slogan. Si tu votes Vizorek, j'annule tout. Ah mais pourquoi toi tu serais le candidat d'annule tout d'abord? C'est ça, on n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben il faut faire une primaire, mon vieux. On va faire une primaire annule tout pour savoir qui va se présenter à la primaire citoyenne. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'annonce ma candidature. Oh non! Moi aussi, alors. Bah, ouais, hein? Moi aussi. Mais on est tous candidats. Ah bah ça va faire une belle primaire. Ça, tiens, il faudrait un représentant des chroniqueurs parmi les candidats. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être qui, tiens? Oh, ils sont beaucoup trop. Ah bah il faut qu'ils organisent une primaire là. Quoi? Ils vont faire une primaire des chroniqueurs pour savoir qui participera à la primaire de annule tout, pour savoir qui participera à la primaire citoyenne. C'est ça. Moi j'ai envie de me retirer. Très bien. Non, j'ai pas dit que je me retirais. D'accord. Bon, alors il reste plus qu'à trouver un responsable des primaires. Ah, je suis candidate. Moi aussi. Moi aussi, mais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vois qu'une seule solution. Ah, bah on fait une primaire. On fait une primaire. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui espionne l'actualité. Et voici les trois informations qu'on va regarder par le trou de la serrure jusqu'à 18h. Les citoyens se réveillent. 6 mouvements se rassemblent pour lancer un candidat de la société civile vers 2017. Mais il devra d'abord réussir ce test. Des lacunes en français. Oui. Moyen en histoire et géographie. Oui. Et vous avez une idée de l'organisation des primaires? Sauvons les villages de France. C'est la couverture de Télérama pour comprendre comment les petits bourgs parviennent à rester debout. Ça tient souvent à l'enthousiasme du maire. Bien, je sais que vous êtes fatigué par ces 3 heures de car. Bienvenue à Grasminda, Je m'appelle Marcus et je suis le chef de village. Une entreprise américaine verse une prime à ses salariés qui dorment bien. Un bracelet électronique flique vos nuits et les données sont donc transmises le lendemain à la direction. Alors mon con, t'avais encore la tête dans le fond de ton cul, hein? Et moi je suis accompagnée de celui qui n'a pas besoin d'être fliqué par un bracelet, puisqu'on le voit clairement quand il dort au bureau, c'est Alex Vizorek. Bonjour Charlie Dedenacker, et aujourd'hui autour de la table, attention, la bande de séducteurs au grand complet, c'est Ocean Eleven dans ce studio. 17h20, alors lui c'est pas le cerveau de l'équipe, parce que si c'est lui qui doit expliquer le plan du CAS, il n'y en a pas un seul qui va comprendre la même chose que son collègue, et c'est foutu, c'est André Manoukian, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charlie. Je vais vous parler d'une formidable découverte que j'ai fait ce week-end, dimanche, place de la République. Une chanteuse, vous savez, il y a des vous rassemblements. Vous avez trouvé celui qui chantait juste. J'ai trouvé celle. J'ai trouvé la réincarnation de Janis Joplin. Elle s'appelle Nina Blue. Elle vient pas de Port Arthur, Texas, mais de Montreuil. Très bien. 17h30. Alors, lui non plus, c'est pas le cerveau de l'équipe, parce que si pendant qu'on explique le plan, il interrompt chaque fois avec une question, on va finir par remettre en question l'idée même du braquage. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex. Bonjour Charline. Bonjour à tous. Et ben moi, comme Dédé, hein, je suis allé à Nuit Debout et je me suis intéressé au mouvement, mais alors surtout aux anti Nuit Debout, avec qui je suis allé discuter ce matin et qui ont un message pour les jeunes. Alors, vous savez, les jeunes, ils ont toujours des belles idées, mais avant, qui travaille? Et avant, et puis d'ailleurs, le fait, non seulement ça, c'est... Mais... Attends, ça va être long. On y reviendra tout à l'heure, si vous voulez bien. Et à 17h40, alors lui, bah, c'est pas le cerveau de l'équipe non plus, et c'est peut-être un peu le gros problème de notre équipe, c'est qu'il n'y a pas de cerveau. Mais il y a pas mal de gens bien, dont notamment Hippolyte Girardot, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on parle? Ah, je ne sais pas vraiment de quoi on va parler. Ça ne m'étonne qu'à moitié. C'est bien, c'est comme d'habitude, rien ne change. Sauf le référent de la République qui change. Et qui est aujourd'hui née sous Giscard. Vous êtes d'abord danseuse et vous remportez le prix Espoir du Grand Concours International de Paris en 98. Une bien belle année pour la France. 98, pourquoi? Coupe du Monde. Les 35 heures. Merci Guillaume Marissé, 35 heures. La Coupe du Monde? Quelle Coupe du Monde? Vous jouez au théâtre dans Les 39 Marches, mise en scène par Éric Métayer en 2010, quand un terrible fléau s'abat sur l'humanité pendant la Coupe du Monde de football, justement l'apparition de la Vuvuzela, rappelez-vous. Là, oui. Vous montez seul en scène avec Les Chatouilles ou La Danse de la Colère au Festival Off d'Avignon. C'est en 2014 quand Jean-Marc Ayrault démissionne du gouvernement. Hein, c'est décidé, je pars, avait-il dit. Et vous, vous êtes Andréa Bescon. Yes, la chance. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour, donc Andrea Bescon. Bonjour. On a choisi de vous inviter parce qu'Alex Vizorek est allé vous voir au théâtre du Petit Montparnasse. Et quand il est rentré, il a dit qu'il faut absolument inviter Andrea Bescon, qui est comédienne et danseuse et oui. qui a un spectacle fabuleux. Exactement, les chatouilles. Et la thématique, évidemment, elle est très touchy. Et c'est un spectacle où on rigole beaucoup. Alors, pour éviter de faire une boulette dans le pitch, je vais vous laisser le faire. C'est l'histoire d'Odette. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, malheureusement, était abusée quand elle était petite. D'où les chatouilles. D'où les chatouilles. Ce qui, malheureusement, arrive à beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et voilà, c'est un petit peu son parcours pour rebondir dans la vie, pour se reconstruire, pour devenir quelqu'un. Elle essaye de devenir quelqu'un, elle sombre, elle se relève. C'est aussi un spectacle surtout sur la violence de l'homme en sens général, hein, oui, des hommes, des femmes, bien sûr, de l'être humain. Et oui, parce que il y a beaucoup de gens qui sont méchants avec elle, jusqu'à sa propre maman qui comprend pas bien. Ouais, mais en fait, chacun se protège un petit peu comme il peut. Voilà, il y a vraiment pas de jugement en fait. Il y a pas de jugement de l'homme malade qui a fait du mal ou de cette femme qui malheureusement est sa mère et qui bon, on se dit ok, c'est pas si grave ce qui est arrivé. Voilà, il y a pas de jugement, on avance comme on peut en fait en tant qu'être humain. Cette fille-là, Odette, bah, lui arriver ça, c'est terrible, mais la danse va quand même être une énorme bouffée d'oxygène là-dedans, et aussi ses rencontres et sa carrière de danseuse et toutes ces situations cocasses qu'elle traverse au fil de sa vie. C'est vous qui jouez absolument tous les personnages. Oui. Vous êtes seule, la scène est vide, mais oui. Ce qu'on n'entend pas dans le pitch, c'est que le spectacle est extrêmement drôle sur un thème tellement difficile. Alors on sait pas si c'est votre vie ou pas, et à la limite on veut pas le savoir, mais comment est-ce qu'on choisit de se dire on va faire un spectacle marrant sur cette thématique-là. parce que d'abord, ce thème me touche énormément du fait de la banalité, malheureusement, du propos. Il y a énormément d'enfants violés dans le monde, de gens violés, tout simplement. Et Là, vous parlez à deux Belges, hein, donc ça. Ils connaissent un peu le problème. D'ailleurs, la Belgique m'a vraiment ouvert les portes à ce spectacle. Heureusement qu'on n'est pas belge et cato, parce que là, c'était la double peine. Mais en même temps, moi, je suis lyonnais aussi, donc c'est... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ouais, actuellement, malheureusement... on est en plein dedans. Mais ouais, j'ai choisi ce propos parce que les chiffres, parce que l'envie de dénoncer tout ça aussi à ma petite échelle. Bien entendu, je pensais pas forcément que le spectacle allait prendre une telle ampleur. Mais aussi le rire, parce que dans la vie est faite de ça. La vie est faite de grandes claques et en même temps de grosses respirations. Et qu'on avait besoin de ça avec Éric Métayer, mon metteur en scène. Telle ampleur, vous êtes nommé au Molière du meilleur seul en scène. Donc oui. Voilà, ah oui. Je suis pas le seul à avoir aimé. Alors il y a aussi de la danse. La danse est bien sûr un langage. Chez vous, est-ce que ça va plus loin? Et est-ce que la danse est un témoignage? La danse est un moyen de se réapproprier le corps. Moi, c'était ma première manière de m'exprimer. Avant d'apprendre à parler, j'ai mis beaucoup de temps. Mm-hmm. C'est vraiment le corps qui a été le premier, cette première base artistique, en fait. Et la danse est venue comme ça de manière totalement naturelle. Donc c'est une forme de témoignage, en vérité. Même oui, dans moi, en tout cas, arrivé à ce stade où ça faisait 5 ans que je faisais du théâtre, la danse me manquait énormément. J'avais envie de repasser par là. Les chatouilles et ce spectacle sur malheureusement cette jeune fille qui a perdu son corps, qui a ce corps complètement souillé, qui a besoin de se le réapproprier, c'était aussi l'occasion de parler avec le corps, de parler avec la danse. Et la danse, c'est aussi une manière de respecter la pudeur du public. On n'est pas là, j'étais pas là pour aller avec des mots hyper trash et qui faisaient que les gens se sentaient très mal à l'aise dans la salle. J'étais pas là pour ça, je voulais que le trash passe par le corps, alors plutôt par la danse. C'est la danse qui exprime ce côté. Effectivement. Oui, parce que dans votre spectacle, la danse est quelque chose de totalement intrinsèque au langage. Mm-mm. Et ce qui est très étonnant, effectivement, c'est que quand vous dansez, le corps parle, vous avez un corps incroyable, un corps de danseuse, il faut quand même le dire, visuellement c'est assez impressionnant. Moi, je suis assis à côté d'elle et je transmets. Sois gentil avec elle, car elle est très costaud. Et ça c'est tout à fait étonnant, parce qu'en général au théâtre, la parole est très forte, beaucoup plus que le corps. Et c'est très rare au théâtre de voir des corps s'exprimer. Quand on voit et le spectacle d'Alex Vizorek, par exemple, on n'y va pas pour le corps. En fait. Ou le tien. Mais quant à vous, non, ça c'est formidable. Parce que je pense que les gens sont choqués aussi par ça, dans le bon sens du terme. Oui, mais en fait, dans le théâtre français, c'est beaucoup ça. On est très, très intellectuel. Et voilà, moi j'arrive, je ne suis pas du tout intellectuel. Non, mais j'arrive avec ce corps, effectivement, dans ce domaine du théâtre, où Éric Métayer m'avait repéré il y a 6 ans, en me disant, mais t'as vraiment quelque chose pour le théâtre, c'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, je suis passée plus par le théâtre physique, mais évidemment par le texte. Mais c'est vrai que dans la danse, la danse a déjà parler. Ouais, on est passé par le corps et on a parlé. Quand on voit on voit Pina Bausch ou Peeping Tom ou les Balaisés de l'Abbé. Vous avez donc quand même bien intellectualisé la chose. Ouais. En tout cas, un spectacle qui est donc recommandé par Hippolyte Girardot et par Alex Vizorek, oui. C'est pas peu dire. Autant dire que là. C'est Les Chatouilles ou la danse de la colère, mis en scène par Éric Métayer au théâtre du Petit Montparnasse. C'est jusqu'au 31 mai et donc on vous conseille chaudement d'y aller. Exactement. Vous êtes sur France Inter avec Andrea Bescon. Merci. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, qu'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'ont se pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Je t'aime par Camille. Sur France Inter, nous sommes en compagnie d'Andrea Bescon. Vous pouvez la voir au théâtre du Petit Montparnasse, dans Les Chatouilles ou la danse de la colère. Andrea Bescon, est-ce qu'on va vous voir ailleurs en France ou est-ce que vous êtes déjà fait une tournée en France? J'en ai fait une petite. Ouais. Je vais continuer, mais à partir de 2017. Ah, voilà. Très bien. Ouais. Objectif 2017. Andrea Bescon laboure le terrain dans toute la France. Va à la rencontre des Français avec autour de cette table, Alex. Eh bien, par ordre d'apparition, André Manoukian, Guillaume Meurice et Hippolyte Girardot. Allez, un petit journal. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Jean-Jacques Bourdin a refusé d'interviewer Henri Guénaud car il est arrivé en retard ce matin à RMC. Eh oui, si l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, l'homme blanc n'est pas entré à l'heure dans le studio d'RMC. Et on parera également de création d'emplois et de Manuel Valls. Mais pas les deux en même temps, parce qu'il n'y a aucun lien. C'est entre vrai. Les deux. Mais il y aura des brèves. Il y aura des brèves. Oui, oui, oui. Alors. Et avant d'ouvrir ce journal, petit message personnel. Oui, un excellent anniversaire de mariage aux Balkany qui fête aujourd'hui leurs 40 ans d'union. Oh, voilà, des noces d'argent donc. Non, c'est d'émeraude, Alex. Ah oui, parce qu'au fisc, ils ont déclaré. Ah ouais, c'est ça. Alors là, c'est amusant ça. Passons au rendez-vous manqué entre Jean-Jacques Bourdin et Henri Guillon. Et oui, voilà ce que ça a donné. Je vous laisse apprécier aussi le petit tapis anxiogène de RMC. Bien, Henri Guénaud ayant disparu de la circulation, il est bloqué, je sais pas, dans des embouteillages, problème de taxi et tout. Moi, je pense que quand on est invité, on doit être à l'heure. Oula. Bien, lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que j'annule l'interview parce que je n'aime pas, personnellement, qu'on ne soit pas là. Eh ben oui, c'est sûr qu'on n'aime pas qu'on ne soit pas là. Et on espère que les parents du petit Henri auront un mot d'excuse pour Monsieur Bourdin, sinon ça sent la colle. Et on note que c'est RMC et que c'est de la faute d'un taxi. Exactement. Passons à gauche. Exactement. Grosse interview de Manuel Valls aujourd'hui dans Libération avec en exergue cette phrase. Depuis plus de 30 ans, on me demande si je suis de gauche. Mais oui, il n'y a pas de hasard hein, quand même. Ça fait 30 ans qu'on demande à Bernard Tapie s'il est honnête. Il y a un moment où il faut se poser des questions. Emploi à présent. Oui, le Huffington Post publie la liste des 15 secteurs qui vont le plus recruter en France l'an prochain. Et en première position, viticulteur. Viticulteur, ah, évidemment, oui. Les gens ont besoin de boire hein, pour oublier qu'il n'y aura pas de travail dans les autres secteurs. Emploi toujours, selon une étude. Les fumeurs ont plus de mal à trouver un emploi que les non-fumeurs. Et c'est bête parce que si c'est les fumeurs qui avaient les postes, les postes seraient plus rapidement libres pour éventuellement d'autres gens après. International, en Corée du Sud, un candidat est soupçonné d'avoir distribué des pilules de Viagra à des électeurs âgés en échange de leur soutien. C'était pour des érections législatives. C'était des érections anticipées. Double jeu de mots. Non, en France, Jean-Marc Ayrault avait été maire de Nantes en faisant pareil, distribuer des Valium à ses électeurs. Il en prenait un peu lui-même aussi, apparemment. Du sport. Oui, Karim Benzema met la pression sur Didier Deschamps et le président de la Fédé, Noël Le Graët. Il a publié sur Twitter un beau montage vidéo de ses plus beaux buts en équipe de France avec un fond sonore, la chanson de Cat Stevens, The Peace Train. Eh oui, c'est une très belle vidéo. Hein. Valbuena a proposé même de produire cet extrait. Et hier, le Real de Benzema s'est qualifié pour les demi-finales de la Champions League. Et oui, Zinedine Zidane s'est même craqué le pantalon sur le bord du terrain en sautant de joie pour le troisième but. Une fois qu'il ne met pas des coups de boule. Bah non, il les montre. Voilà, c'est dingue. Une part des brèves, les femmes sont souvent plus diplômées que leurs conjoints. Et oui, une étude réalisée par le docteur ingénieur Madame Dupont et par son mari, le technicien Robert. La dernière en France. Oui, Côte d'Azur, obèse, son corps n'est pas admis dans le crématorium. Et pourtant, une belle occasion de brûler des calories. Oh. France Inter, bonsoir. Il est 17h26. Andréa Bescon est avec nous si elle veut bien rester. Après cette dernière brève. Qualité, hein, qui se corrompt. On va aborder le premier sujet avec vous. Le prochain président de la République sera issu de la société civile. C'est Alexandre Jardin qui le dit. Il fait partie des 6 mouvements citoyens qui veulent organiser une primaire des Français et donc lancer un candidat hors système. Un homme ou une femme ordinaire, normal quoi. Attention à pas trop ouvrir la primaire non plus parce que normal, c'est à la portée de n'importe qui. Qu'est-ce que c'est une personne normale? C'est une personne comme moi. C'est des gens qui disent du mal des gens. C'est des gens qui disent j'ai menti. Bon, on est des gens normaux. Et heureusement qu'on a ces péchés, qu'on appelle péchés dans certains bouquins. Heureusement qu'on a le haut et le bas. Parce que sinon, si t'es toujours heureuse, après 3 secondes, je te promets, tu t'emmerdes. Si tu connais la question, la réponse avant la question, tu t'emmerdes. Jean-Claude Van Damme, président. Vous avez 2 heures. Andréa Bescon, est-ce que ces fameux mouvements citoyens qui se fédèrent pour proposer une primaire et donc faire émerger un citoyen candidat en 2017, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ces mouvements-là, vous? Alors, j'en ai entendu parler, mais surtout, je trouve ça important, en fait, qu'à un moment donné, on est tellement ballotté avec des systèmes politiques qui sont, je pense, un peu obsolètes, sur un système obsolète. Il est important qu'on prenne un peu la parole et qu'on commence, enfin, au lieu de parler, de faire. Ah, vous êtes un peu Alexandre Jardin, un peu blanc zèbre, une faiseuse, c'est ça? Mais je crois qu'il est important de se poser la question. Je pense qu'on est à bout de souffle. Vous pourriez voter Alexandre Jardin à la présidentielle? Je sais pas. Oui, je sais que c'est un peu une question difficile, hein, c'est pas oui non, ou non. En tout cas, j'ai envie que ça change, vraiment. Ouais. Alors, dans ces mouvements, rappelons aussi qu'il y a par exemple Corinne Lepage, qui a été ministre, Jean-Marie Cavada, MoDem, eurodéputé, passé à l'UDI, Claude Posternak, un communicant qui conseille des politiques et des patrons. Est-ce que ça ne ternit pas un petit peu l'image romantique des mouvements citoyens hors système? C'est vrai qu'après, de toute façon, on va toujours chercher à ternir ce type de mouvement. Je crois que notre système politique aura toujours affaire à l'envie de dire, ah, vous savez, ils sont pas blancs non plus. Ouais, ils sont pas blancs. Regardez, peut-être Alexandre Jardin a un compte caché en Suisse. Voilà. De toute façon, on va chercher à ternir tout ça. Mais ce qui est important, c'est cette action citoyenne et c'est de savoir que les uns comme les autres, on commence à se parler et à avoir envie de bousculer ce système obsolète. De les chatouiller au bon sens du terme. Effectivement. André Manoukian, est-ce qu'on parlerait un petit peu de musique et de citoyenneté justement pour appuyer ce propos? Eh bien, on va être complètement raccord pour une fois. Il faisait beau dimanche dernier au carreau du Temple, c'est mon quartier. En y aménageant il y a quelques années, je demandais à mon prédécesseur s'il y avait une cave dans l'immeuble pour y ranger mon vélo qui n'était pas encore pliant. Il me répondit sûrement pas. Le sous-sol est truffé de galeries. C'était la place forte des Templiers ici, mon bon monsieur. Tout le quartier était entouré de remparts et lorsqu'ils étaient assiégés, les Templiers, ils communiquaient avec l'extérieur par des souterrains. Les Templiers qui escortaient les croisades, construisant des places fortes sur la route de l'Orient, inventant les billets à ordre et ramenant en Europe les secrets des bâtisseurs égyptiens transmis par les Arabes qui permirent l'édification des immenses nefs cosmiques que sont nos cathédrales. Respirez, c'est mon respirez, André. J'ai compris pourquoi j'y étais bien. En gros, il habite à Répu. Voilà. Les Templiers qui finirent sur le bûcher en 1314, condamnés par la cupidité de Philippe le Bel, dont il ne reste que des noms de rue. Rue du Temple, rue Vieille du Temple, place du Carreau du Temple. Il faisait beau au Carreau du Temple dimanche dernier. Après avoir fait tourner en boucle pendant des heures une rythmique complexe mêlant un bouzouki turc et un hautbois arménien, tentant de réconcilier à moi seul, chrétien et musulman d'Orient, je descendais prendre l'air. Je suivais machinalement des groupes de promeneurs qui convergeaient vers la place de la République. Et là, retour vers le futur, l'ampli de la Sorbonne, le théâtre occupé de l'Odéon, en mai 68, des jeunes, des vieux, des étudiants, des chercheurs portant des pancartes en carton. Posez-moi des questions, je suis sociologue, hashtag science debout. Ou posez-moi des questions, je vous jure, je suis philosophe. Ou posez-moi des questions, je suis économiste. Et même, il y avait un gars, posez-moi des questions, je suis musicologue. Et vous, c'était je suis libre ce soir, je suis debout toute la nuit, ça marche comment? Moi, c'était posez-moi des questions, je suis sexologue. Non, c'est pas vrai. Alors, ma copine Nathalie, rencontrée là, me dit « Pose une question, musicologue ». Bon, alors je lui pose la question « Pourquoi a-t-on arrêté d'enseigner l'improvisation en France au 19e siècle ?» Le musicologue ouvre grand ses yeux et me dit « Alors là, j'en sais fichtre rien. Un passant suggère « C'est peut-être la faute à Napoléon. C'est lui qui a inventé les conservatoires. Et dans conservatoire, il y a conserve. » Et voilà, l'intelligence collective en chair et en os. Le forum, l'agora, avec des vrais gens qui se parlent, qui échangent, qui sont heureux de partager leurs expériences, leur savoir et aussi leur colère, leur frustration. Mais avec une immense volonté d'être pragmatique cette fois-ci. Plus de grands discours théoriques sur la révolution comme quand j'étais môme, mais des envies de se prendre en charge avec des petites actions concrètes, comme de se filer des coups de main pour repeindre l'école, ou dératiser un immeuble, ou encore évoquer, bon ça c'est un peu pointu, le confédéralisme démocratique des Kurdes, inspiré du municipalisme libertaire qui remplacerait l'État-nation par une confédération de communes libres. Je vais plutôt aller faire de la soupe, moi. Vive la flégère libre, ça c'est à Chamonix. Plus loin, télé libre, bibliothèque commune avec l'injonction, tu prends un livre mais t'en déposes un. Plus loin, l'université populaire où l'on parle de sexualité. Pourquoi toujours quand j'arrive quelque part on parle de sexualité? Et puis enfin, entre le stand de Falafel pour la Palestine et celui des véganes, une voix incroyable. C'est Janis Joplin, ma parole. Une fille toute seule avec sa guitare, un petit ampli. Une émotion à fleur de peau. Et là me vient la pensée de Mighty Mo Rogers, le vaillant Maurice, pas vous. Hein. C'est un bluesman né à East Chicago en 43 qui dit « Le blues est une musique métaphysique que se réinvente sans cesse et nous libère de l'illusion et de la division, que ce soit de race, de sexe, de culture ou de couleur. C'est un hurlement sacré. Holy howl. » Et bien voilà, cette voix que j'ai entendue du dimanche dernier, place de la République au milieu d'une foule joyeuse et bigarrée, cette voix, ce cri sacré, ne vient pas de Port-Arthur, Texas, mais de Montreuil. Elle s'appelle Nabila Mekid. Elle est franco-algérienne, elle chante en anglais, en français et en arabe avec un violoncelliste et un guitariste dans un trio qui s'appelle Nina Blue. Elle est serveuse en attendant de vivre de sa musique, qu'on découvre tout de suite sur France Inter, parce qu'indéniablement, la voix de Nina Blue nous élève très haut, bien au-dessus de la place de la République, avec un point de vue imprenable sur une foule joyeuse et bigarrée qui fut dispersée depuis à cause de quelques connards de casseurs, mais qui existe désormais de depuis longtemps dans nos cœurs. Et de CRS. I'm walking along, babe. No one by my side. In this smoky city, in this land of pain, I'm walking along. Dejected by this lack of tenderness, my tenderness, 'cause I can't live my life waiting for your smile every day. 'Cause I can't live my life waiting for your smile every day. Nina Blue, que André Manoukian a donc découvert à la Nuit Debout. Exactement, c'était dimanche, 17h, Place de la République, et puis... Elle vous a donné une maquette alors, parce qu'il n'y a pas d'album. Bah voilà, j'ai été là, lui parler après, il y avait un pochetron qui dansait avec son chien, c'était génial, il y avait la foule qui applaudissait, c'était... Donner des infos. Elle avait un truc de Colette Manet un petit peu, et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites et tout ça. Elle me dit, bah je fais des trucs, je galère un peu, et elle m'a donné, je lui ai donné mon site, et elle m'a envoyé ce MP3. Et alors, est-ce qu'elle a un site, Alex Vizorek ? Si vous tapez Nina Blue, elle est sur Facebook et puis il y a son clip surtout. Voilà. Ah bah voilà, ouais. Vous pourrez, comme ça vous pourrez voir le Nina le clip. Comme Nina et Blue comme la couleur. Et réapprécier. Vous êtes sur France Inter et nous sommes en compagnie d'Andrea Bescon, que vous pouvez aller voir au théâtre du Petit Montparnasse, dans Les Chatouilles ou La Danse de la Colère, si André Manoukian peut fermer son téléphone. Non mais j'attends pas de leur message. Parce que Nina Blue, elle joue le 15 avril, mais je sais pas où. Elle est en train de lui envoyer plein de messages. On vous charge de trouver avant la fin de cette émission. On va aussi lancer toutes nos équipes sur cette information, bien sûr, parce que nous sommes une équipe. Aujourd'hui, à la technique, il y a Hélène Langlois, à la réalisation, Benjamin Riquet, à la préparation de l'émission, Nathalie Romero et Sarah Masson, avec la collaboration de notre excellente stagiaire Tiana Salès, qui nous quitte aujourd'hui. Il faut bien que l'instage se finisse à un moment. Et on va citer le co-auteur qui, Julien Demarche, toute cette semaine avec nous, écrit les blagounettes. Voilà. Merci à tout le monde. Il y a du monde, Et il y a bien sûr Guillaume Meurice. Oui, et ben je vais vous parler du mouvement encore Nuit Debout, hein, dont le mot d'ordre pourrait être cette citation de Théodore Monod qui disait « Contre la religion du profit, il faut opposer la religion de la beauté ». Théodore Monod qui est un spécialiste de la traversée des déserts, hein, une sorte de François Bayrou, hein, de Jean-François Copé. Jean-François Copé qui a d'ailleurs parlé de ce mouvement Nuit Debout comme de gens déconnectés de la réalité. Hein, il a dit ça juste avant de se resservir en langoustine sauce foie gras et de rôter son Dom Pérignon. Moi, je me suis donc intéressé à ceux qui sont opposés à ce mouvement Nuit Debout. J'en ai rencontré dans les rues de Paris ce matin. On commence avec un premier Parisien. D'abord, qu'est-ce qu'il pense globalement du marché du travail ? Disons que le marché du travail, il faut être agressif. Et il faut mouiller sa chemise. C'est ça, le debout, la France. Ah merde, un fan de Dupont-Aignan. Merde. Le fan. C'est bien ma veine. Il y en a un tous les 3 milliards d'êtres humains. Il faut que je tombe dessus. Alors, bon, petite précision. C'est pas Nuit Debout, la France. Hein, c'est Nuit Debout, tout court. OK? Bon, alors c'est vrai que ça peut porter à confusion. L'intitulé n'est pas très clair, notamment chez cette personne âgée qui voulait s'y rendre. De toute façon, moi, je suis trop vieille pour aller là. Si j'étais jeune, j'irais bien voir. Ah non, vous n'êtes pas trop vieille, pourquoi? Ça a l'air sympathique. C'est tous les âges ? Ah, je sais, mais il faut rester debout, c'est ça ? Ah non, ça s'appelle Nuit Debout, mais vous pouvez vous asseoir. Il y a des bancs. Je sais pas. Il y a des bancs. Alors, c'est la question. Oui, c'est pas idiot. Il aurait peut-être fallu appeler le mouvement Nuit Debout, mais il y a des bancs. Hein. Si vous êtes fragile du coccyx, ça portait un coussin quand même, mais ça fait quand même un peu long. Alors, c'est dommage qu'elle n'y aille pas, hein, parce que qu'est-ce qu'elle pense des jeunes et de leurs idées ? Je trouve qu'ils auront pas beaucoup l'air d'en avoir, et en plus qu'ils n'ont sûrement jamais lu la loi Khomeini, qu'ils n'y connaissent rien du tout. Oui, ils n'y connaissent rien à la loi Khomeini, les jeunes, hein, ça c'est un problème. C'est la fameuse loi sur le travail iranien, hein, des années 80. Si tu refusais deux boulots au Pôle emploi, on te coupait les mains directement, c'était chiant. Mais ça, les jeunes, ils connaissent pas du tout. Hein, les jeunes, ils veulent du changement. Mais pourquoi, madame ? Je vois pas le vouloir changer quoi ? Bah, ils sont inquiets, a priori, pour leur avenir. Il y a lieu d'être inquiet ? Je sais pas, d'après vous. Non, je trouve pas. Il y a 500 000 emplois qui sont à pourvoir. Alors pourquoi ils ne chercheraient pas à les pourvoir ? Ah, mais il y a 3 millions de chômeurs. Oui, mais... Ou alors il y a quelque chose qui ne va pas en France. Ah non, je ne peux pas croire ça. Non, arrêtons le délire. En France, tout va bien, on le sait. Hein. Les inégalités ne se creusent pas, il n'y a pas de précarité. François Hollande n'a pas du tout le bouton de l'arme atomique. Mimi Mati ne bat pas des records d'audience toutes les semaines. Tout va bien, il n'y a pas de problème en France. Alors c'est sûr, cette dame ne fait pas partie hein, de Nuit Debout, mais plutôt de Neuilly Debout, hein, je pense. Et elle a bien raison, il faut arrêter de gueuler. Et en premier lieu, contre la loi El Khomri, n'est-ce pas monsieur ? On va abroger cette loi qui, malheureusement, était une bonne loi. Ce n'est même pas moi qui le dis. Vous avez, je crois, j'ai lu dans un journal, dans un hebdomadaire, il y a 40 grands de la finance qui sont des gens reconnus qui ont dit que c'était une bonne loi. C'est même pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Ah, c'est les gens de la finance qui disent ça ? Tel que vous allez me le dire, ce sont des financiers, ce sont des gens qui veulent gagner du fric, ils sont contre nous. Non. Non, j'ai pas dit ça, moi. Non, vous me le faites sentir. Ah. Donc le mot finance n'est pas approprié. Ce sont des gens qui s'intéressent, je veux dire, à l'économie. Non, alors ils s'intéressent à leurs économies. Hein, plus précisément, c'est différent, mais c'est bien, il faut assumer. C'est vrai que cette loi va dans le sens de l'intérêt général, enfin disons dans le sens de l'intérêt de la société générale plutôt et de leurs copains, mais on peut être rassuré, ils connaissent leur boulot, et puis alors lui, le boulot, précisément, il connaît, hein, n'est-ce pas ? À 14 ans, j'ai commencé à travailler, j'étais en apprentissage. J'ai 76 ans et je travaille toujours. Mais peut-être que les jeunes, ils n'ont pas envie d'être comme vous et travailler à 76 ans. Mais moi, c'est ma volonté. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans la vie. Là, si vous partez en retraite, vous laissez la place à un jeune ? Mais monsieur, c'est déjà fait, moi je gagne rien, je le fais pour mon plaisir de travailler. Et bim, il bosse sans être payé. Alors non seulement le gars défend la réforme du travail, mais il se l'applique à lui-même. C'est ça l'exemple qu'il faut donner à la jeunesse de France. Allez, concluons avec un dernier Parisien qui a parfaitement analysé le phénomène de la Nuit Debout. Un mélange de gens un peu olé olé, je crois, là-dedans. Des gens olé olé ? Un peu, oui, je crois. Qu'est-ce que c'est des gens olé olé ? Un peu... Ils savent pas ce qu'ils veulent, ils sont exigeants. Jean, il veut assister ou alors il mélange tout avec la loi El Khomri, il mélange beaucoup de choses maintenant, c'est tout un mélange, on n'y comprend plus rien d'ailleurs. Hein. Et donc vous avez un avis quand même ? Oui, mais ça, je n'accepte pas ce mouvement-là. Vous n'y comprenez rien, mais vous avez un avis. Oui, quand même. Mais oui, mais ça, c'est français. C'est ça, la France. Parler sans savoir. Bon, alors après, si vous voulez comprendre quelque chose, bah, rien ne vous empêche de vous rendre sur place. Peut-être que vous trouverez ce mouvement utopique, mais peut-être aussi que Théodore Monod avait raison. L'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisée. Merci, Guillaume Meurice. C'est beau, ça. Dis donc, c'est beau, ça, Monod. Toi, c'est bien d'aller dans le désert, parce que des fois, y a l'inspiration te vient. Hippolyte Girardot. Et ça, il faut le garder, quand même. Hein. T'as vu, t'as failli être démasqué. C'est-à-dire ben, ce monsieur t'a dit, oh, je vois bien ce que vous voulez. Ah, oui. Il n'était pas dupe. Mais Guillaume Meurice transpire le bolchevisme. Ouais, ouais, ah, oui, je suis désolé, même allez, quand j'essaie d'être de droite. 17h44 à Neuilly et à Chamonix, par exemple, pour faire plaisir à André Manoukian qui est avec nous. Andréa Bescon est notre invité. On va aborder le deuxième sujet avec vous en parlant de la France profonde, encore une fois. Les villages se meurent, et ce, malgré tous les efforts produits par Jean-Pierre Pernaut depuis des décennies. SOS Village, c'est la couverture de Télérama avec à l'intérieur des exemples de petits bourgs qui ont innové pour relancer la vie locale, renouer le lien social avec par exemple un débit de boisson. Au tabac, c'est Georgette, la malade imaginaire. Quand elle n'a pas de migraine, c'est le nerf sciatique qui coince. Celle-là n'aime pas entendre, le fruit de vos entrailles est bénie. Il y a des courants d'air, bon sang! Non, mais ça va, là, c'est pas la Sibérie. Oh, on voit bien que c'est pas toi qui es allergique à l'oxyde de carbone, hein. Moi, cette nuit, j'ai tellement toussé que j'étais à deux doigts de me décoller la plaie. Les voix d'André Dussolier et d'Isabelle Nanty dans Amélie Poulain. Alors, Andréa Bescon, vous avez déjà connu de façon brève ou prolongée la vie dans un village de France? Oui, un petit peu. Racontez-nous. J'étais dans le 82 quand j'étais 82, môme, dans Tarn-et-Garonne, dans une petite ville, mais qui avait quand même une activité culturelle, sociale. Et en fait, ce qui m'interpelle dans ce problème des zones rurales, c'est que je crois que les gens payent. On paye tous beaucoup d'impôts pour ces services publics et je crois que malheureusement nos zones rurales sont assez désertées par ce à quoi servent les impôts. Et c'est les villes qui en bénéficient grandement et malheureusement nos zones rurales ont beaucoup de mal. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des banlieues à juste titre et le faux, c'est absolument nécessaire. Mais quand on parle des problèmes d'éducation dans les banlieues et des écoles qui ne sont pas assez construites, bah, dans les zones rurales malheureusement on a les mêmes problèmes, je crois. Hein, c'est vrai, c'est le constat qui est fait dans personnel. Télérama, qui est allé à Vic-sur-Breuil, c'est en Haute-Vienne, et à Marsac en Livradois, qui est dans le Puy-de-Dôme. Il faudrait faire les Jeux Olympiques à Vic-sur-Breuil. Les Jeux Olympiques de Vic-sur-Breuil, on fait une candidature, on propose. C'est du temps d'interville, ça existe presque, hein, c'est vrai. C'est un peu le même concept. Et est-ce que ça relève aussi un petit peu du fantasme, ce petit noyau communautaire dans lequel on a envie de vivre? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un fantasme du petit village, d'aller se poser, d'avoir du lien social, de recroiser des gens qu'on connaît sur la place du village, d'aller boire un pastis, je sais pas. Village gaulois. Et en même temps, c'est un peu cette peur de l'ennui, finalement. Est-ce que vous imaginez plus tard vous installer dans un village pour avoir un tissu social plus resserré? Moi, je vous avoue que j'habite pas à Paris, même. J'habite un peu plus loin. Et j'apprécie énormément ce contexte local. J'apprécie éviter de faire mes courses dans un supermarché. J'apprécie aller voir mon fermier et acheter directement la ferme. J'apprécie aller au marché et acheter aux petits commerçants. Et j'ai envie de générer ce type d'activité. En tant que petite échelle de petite citoyenne. Alors simple. Que beaucoup de maires de village misent beaucoup sur les supermarchés pour créer de l'emploi, beaucoup d'emplois à court terme, ce qui tue évidemment le petit commerce en centre-ville et qui fait déserter. Et qui fait monter les voix du Front National. On s'est rendu compte que tous les électeurs du Front National venaient de ces zones où les petites communautés sont délaissées, où il y a des grands centres, où plus personne ne se connaît, on fait les courses dans l'anonymat. Plus personne ne se parle, c'est exactement ça. On a besoin de se parler. Moi j'aime bien Charles Aznavour. Il dit pourquoi tous ces villages, on ne ferait pas venir des réfugiés du monde entier dans ces villages pour les repeupler? C'est complètement idiot. Pourquoi ils ne paieraient pas d'impôts en France, Charles Aznavour? C'est complètement idiot. C'est sûr que vu de Suisse. Bon, d'accord. Je pense qu'on a une magnifique conclusion au sujet. Il vaut mieux s'arrêter là parce que c'est une partie en effet du problème. Je vous renvoie à Télérama, bien sûr, parce qu'il y a des solutions, hein, comme par exemple un même bâtiment qui rassemble le centre médical, la super. Etc., et qui encourage les élus locaux qui sont motivés, ont des idées, qui voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez ou de leur mandat. Hippolyte Girardot, on a envie de vous écouter là tout de suite maintenant sur France Inter. Oui, mais ses lunettes. Prison call in ain't 90 years old. You the cold maids say one prison call in ain't 90 years old. All right. Wednesday. L'autre jour, comme vous savez, j'étais en Italie. Et donc j'ai entendu cette vieille chanson de 1972 qui passait au café. Et ce qui était drôle pour moi, c'était que tous les clients, plutôt la cinquantaine, plutôt en costard pour aller bosser, étaient debout en train d'avaler leur macchiato du matin. Et ils ont tous commencé à bouger en rythme. Comme quoi, et vous avez tout à fait raison Andrea, la danse est bien le premier langage de l'homme, même en costard. Cette chanson, très populaire en Italie, au titre imprononçable, n'était pas en anglais, ce que je croyais. Non, en fait, Adriano Celentano, l'auteur, avait improvisé au micro des paroles pour faire américain. Voilà. Son idée, et c'est pour ça que j'en parle, était... Il a dit, je voulais écrire une chanson ayant pour thème l'incapacité de communiquer, et donc, j'ai écrit une chanson où les paroles ne signifient rien. Ce qui est une magnifique démonstration par l'absurde. Et je pensais à ça, justement, l'autre matin, en écoutant sur votre antenne, une journaliste renommée, je m'y ferai jamais, face à la fausse représentante de Nuit Debout, justement. Cette Camille Moulin, c'est un pseudonyme, expliquait très calmement que ce rassemblement ne voulait être rien d'autre qu'un rassemblement, que pour montrer à quel point les partis politiques étaient déconnectés, ils ne voulaient surtout pas être un parti, et que pour prouver que les leaders n'étaient que des petits coqs montant sur leurs égos, eux n'en avaient pas de chef. Et qu'elle-même, bien qu'invitée à 7h50, ne représentait qu'elle-même et encore sous un faux nom. Une magnifique démonstration par l'absurde que la politique, donc, doit être réinventée. C'est juste un peu chiant pour la journaliste, quoi. Parce que, alors, comment ça s'est passé, cette interview? Ils font quoi? Je sais pas. Et ils ont parlé de quoi? Je sais pas. Bon, t'es journaliste? Je sais plus. Hein. Franchement, je sais plus. Et c'est vrai, bon, on a beau dire, mais ça fout un peu le bazar, place de la Répu. Tout ce business politique, ça le fout en l'air, cette affaire au pied de la statue de Marianne. Un peu comme la chanson en yaourt de Celentano qui ridiculise les paroles des chansons américaines. Parce que, place de la Répu, là. On leur demande Podemos, ils répondent Calmos. On leur parle travail et salaire, ils répondent rêve général. On croit qu'ils veulent jouer un rôle politique, mais ils créent une commission accueil et sérénité. Oui. On leur propose d'aller à Matignon, ils veulent juste qu'on leur laisse leur potager. Alors, heureusement qu'on peut compter sur la bêtise épidermique des autorités pour fédérer tous ces gens au moins contre quelque chose. Par exemple, hier soir. Parce que j'y suis allé après votre spectacle, Andrea, à cause d'une petite phrase que votre personnage dit deux fois à sa mère. Elle lui dit « Je ne suis pas malheureuse, je suis en colère. » Et là, je dois dire que vous avez réussi dans votre écriture, votre spectacle, fabriqué à deux, à faire de cette colère une force poétique et créatrice exceptionnelle. Je dois le dire et le répéter. Et zou, me voilà parti en route pour la Répu, pourquoi pas. Je vais voir tous ces gens en colère. Pas de peau, j'ai vraiment pas de peau. Non, je suis pas fait pour ça, Guillaume, tu vois. Pas de peau, c'était le soir où justement on leur a coupé la lumière. Donc moi, j'ai rien vu. Absolument rien. J'avais pas de briquet, rien. J'étais, voilà, c'était tout noir. C'était vraiment, y a rien à voir, c'est tout noir, circuler. Alors, je pense que Marianne, là, du haut de ses tonnes de bronze au-dessus, là, et qu'on a vu des trucs depuis qu'elle est là, a bien dû rigoler quand les lumières ont été coupées. Ah ouais, j'en ai vu du lourd depuis que je suis là, depuis la Troisième République. J'ai vu Hugo, De Gaulle, Madonna, Pétain, Mitterrand et Charlie. Mais c'est la première fois depuis la guerre qu'on me laisse dans le noir. Pourtant, ce n'est pas en cachant ce sein qu'on ne saurait le voir. Merci, Pauline Girardot. Un rappeur en plus. Tout cela part de l'Italie où vous êtes en tournage, donc on va vous perdre une semaine, mais on va vous retrouver après, évidemment. Oui, je reviendrai. Il revient toujours, celui-là. Merci, Pauline. Andrea Bescon est avec nous. On va aborder le dernier sujet. Une bonne nuit de sommeil permet aux salariés d'être plus productifs. Une entreprise américaine, d'ailleurs, propose à ses employés de porter un bracelet électronique qui compte les heures de sommeil. Alors, si vous dormez suffisamment, le patron vous verse une prime. Alors, voici nos conseils pour ne surtout pas vous faire surprendre par le changement d'heure. Là, ce serait con. Vous n'êtes pas sans ignorer de savoir que plusieurs fois par an, nous sommes amenés à changer l'heure d'hiver. L'heure est venue, si j'ose dire, de faire un bref petit rappel d'explication et, c'est bien le cas de le dire, de remettre les pendules à l'heure. En effet, peu d'usagers sachent réellement s'il faut retarder sa montre d'une heure de plus ou au contraire s'il faut l'avancer en défalquant une heure supplémentaire. Et bien sûr, c'est QFD, c'est Faux Contact, une vidéo de Manu Taureau sur la RTBF qui est assez... qui date du quoi? Il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, exactement. Voilà. Donc cela concerne une société américaine américaine d'assurance santé. Voilà qui explique un petit peu la chose. Si les employés prouvent à l'aide de ce bracelet qu'ils enchaînent 20 nuits de 7 heures de sommeil ou plus, eh bien l'entreprise leur offre 25$ par nuit. C'est plafonné à 500$ par an. Mais moyennant le port du bracelet électronique, si vous étiez salarié, vous, Andréa Bescon, est-ce que vous accepteriez ce genre de deal? Ah non, mais je tombe en dépression directe. Moi, ça m'angoisse. Ah non, pour moi, c'est Big Brother. C'est impossible. C'est quand même dormir plus pour gagner plus. Voilà, c'est exactement ça. C'est quand même pas mal. Ce qui me fait rire, c'est cette espèce d'hypocrisie, genre à but altruiste. Oui, mais je voudrais que mon salarié aille beaucoup mieux au sein de mon entreprise. Non, c'est pour avoir déjà plus de chiffres. Parce qu'ils font une enquête en disant on gagne 69 heures de travail en plus, enfin je ne sais quoi. Ici, si c'était win-win. Je vais me jouer l'avocat du diable. Parce que peut-être on vivra plus longtemps aussi en travail. Oui, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui mettent en place des salles de repos. Ça, je trouve que c'est chouette. Alors, on n'est pas fliqués. On sort de son repas. Nous, on en a une. Oui. À la maison de la radio, ça s'appelle la maison de la radio. Non, mais je pense qu'effectivement, après le repas, aller se poser 10 minutes avant de reprendre le boulot, je trouve ça effectivement très intéressant. Et pourquoi pas? Mais ce bracelet électronique, pitié, oui. Laissez-nous tranquilles. C'est ce qui s'appelle le capitalisme connecté. Exactement. Et voilà. Alex Vizorek, nous avons une comédienne avec nous. Bien sûr. Alors, tous les jours, on va proposer un sketch à notre invité. Je vous donne le texte. Vous avez entendu parler, c'est Le Parisien qui a proposé ça, qui a donné l'info. Un grand spectacle arrive avec des chanteurs décédés en hologramme. Et le producteur de ce spectacle, eh bien, c'est Hippolyte Girardot. Vous êtes journaliste, vous allez découvrir un peu ce qui se passe. Et puis, on s'y rend tout de suite. Alors voilà, l'objectif, c'est de faire un spectacle qui ramène sur scène les chanteurs morts. Ah, c'est vous qui avez produit Renaud? Non, vraiment morts. Mike Brand, Dalida. Ah d'accord, donc vous faites que les suicides en fait. Ah non, on a aussi Claude François. Oui, moi je m'en vais et je reviens. Je suis plus mort, je me sens bien. Je suis là en hologramme et en relief grâce à un simple projecteur. Ah, il est bien, hein. Bonjour à tous. Il déconne un peu là. Oui, il faut lui changer une ampoule, mais... Et là c'est... Ah mais c'est notre Sacha Distel. La belle bonne. Ici on a Yves Montand. Wow, là il est super réaliste. Ah non, ça c'est le vrai. On le garde ici plutôt que le redéterrer chaque fois qu'il y a un doute sur sa paternité. Ah bien sûr, bien sûr. Mais oui, imaginez la gueule des enfoirés avec Tino Rossi, Joe Dassin, Yvette Horner. Yvette Horner, elle est pas... Non, mais j'anticipe, je suis producteur. Oui, bien sûr. C'est génial. Michel Drucker pourra recevoir du monde pendant 50 ans. Non, mais vous savez, Drucker finira bien par disparaître. Mais Michel Drucker est déjà un hologramme depuis 15 ans. Ah, et donc tout ce monde-là chante ensemble. Oui, n'importe quelle chanson. On peut prendre Brassens. Mourir pour des idées, d'accord, mais des morts longs. Et lui faire chanter n'importe quoi. C'est le petit bonhomme en jeu. Génial. Regardez. On peut même avoir un Jean Ferrat de droite. À perdre la raison. Attendez de voir notre Michel Sardou de gauche. Ah non, Sardou, là. Musicalement, c'est pas... on peut considérer que oui. Ah oui. Bonjour, Nicolas Sarkozy. C'est bien ici que ça se passe pour les hologrammes. Bonjour, monsieur le président. Et vous voulez recréer Mireille Mathieu? Non, le général de Gaulle, pour qu'il se présente à la primaire de droite. Ah, j'ai l'impression que ce sketch prend une autre tournure. Il faudrait qu'on trouve vite une chute à ce sketch, là, s'il vous plaît. Ça va pas être évident, c'est Alex qui a écrit. Ah oui, non, mais il faut une chute quand même. Une chute. Ah, ça y est, j'ai une idée. Les gars, rallumez-moi, Mike Brandt. C'est la chute la plus vertigineuse que vous n'ayez jamais écrite à l'excuserie. Ça devient des comédies musicales. Il y a des moyens, il y a des moyens. Merci. Comment vous les avez trouvés en imitation? C'est pas trop mal, non? Voilà. Ouais. On apprend le décès de Laurent Gérard. Andréa Bescon était concentrée sur son texte. Une dernière petite question, Andréa Bescon, les chatouilles ou la danse de la colère abordent le terme des attouchements des adultes sur les enfants et des viols. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir peut-être à la fin et qui... Beaucoup. Le témoignage, beaucoup. La langue se libère. Oui, énormément. Oui, énormément. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien et il faut. C'est pareil pour revenir à ces mouvements. Il faut que cette loi sur la prescription saute. Quand je vois le nombre Quelle de gens qui ont... La prescription des viols. La prescription des viols, c'est 20 ans après la majorité. Donc à 38 ans, quand on était victime d'un viol, en étant enfant, on ne peut plus porter plainte. Voilà. Et c'est assez terrible. Eh bien voilà, le message est passé. Merci Andréa Bescon. Merci. Donc je rappelle Les Chatouilles ou la danse de la colère, mise en scène par Éric Métayer. C'est au théâtre du Petit Montparnasse jusqu'au 31 mai. Et puis dans toute la France en 2017. Le mot de la fin, aux aspirants candidats à la primaire citoyenne, voici le test qu'ils vont devoir subir.